Eh bien, bonjour tout le monde. Bienvenue à Canrock, l'autoroute de la francophonie musicale canadienne avec Lalonde des ondes. Marc Lalonde au micro. Toujours, toujours très content d'être ici à vous offrir l'excellente musique franco-canadienne d'un bout à l'autre du pays. Cette semaine, qu'est-ce que j'ai pour vous? J'ai du Maggie Savoie, j'ai du 3L, Pierre Guitare, l'album de la semaine Welcome Soleil de la charmante Annie Blanchard. On va entendre également du Michel Lalonde, Christine Saint-Pierre. J'ai aussi en instrumental Gentiane MG Trio, Michel Grégoire de Winnipeg. On va entendre également du Suzanne Kennelly, du Étienne Fletcher et Loïc Morin et bien d'autres. Donc restez là, bougez pas, je vous reviens dans quelques secondes avec bien sûr le bloc des Maritimes à Canrock, l'autoroute de la francophonie musicale canadienne. Bonjour, bienvenue à Canrock, l'autoroute de la francophonie musicale canadienne avec Lalonde des ondes. Écoutez, comme à l'habitude, j'aimerais remercier des gens très très spéciaux qui me permettent comme ça de vous offrir un 2 heures de musique franco-canadienne. Merci à Vanessa Lisabelle de l'Arc du Canada, merci beaucoup. Merci beaucoup aux directeurs et directrices de programmation des stations suivantes, CKJM Chétican, WFM 98 Halifax, CFAB Sainte-Marie en Nouvelle-Écosse. CKMA Miramichi Nouveau-Brunswick, CHUO, la radio de l'Université d'Ottawa, et CFRH, la radio francophone du comté de Simcoe de la région de Barrie en Ontario. Saint-Boniface, c'est Envol 91 à Saint-Boniface au Manitoba, CFRG Gravelbourg, Saskatchewan, CILS Victoria et Colombie-Britannique, et CIVR Yellowknife, territoire du Nord-Ouest. Merci de diffuser l'émission, ça me fait grand plaisir. Et bien entendu, si vous avez des commentaires, des suggestions ou des contacts d'artistes francophones qui ont d'excellents produits en français ou instrumental, ça tourne chez vous, ça tourne nulle part ailleurs, même pas à Canrock. Eh bien, envoyez-moi ça à canrockcdn@gmail.com. On va y aller avec le bloc des Maritimes, si vous voulez bien. Dans quelques instants, on va entendre dans le Nord de la charmante Émilie Landry qui participe à Destination Chanson Fleuve. Elle s'en va du côté de Petite-Vallée, suivre des ateliers d'écriture de chansons et composer des chansons avec d'autres francophones à travers le Canada. Donc bravo pour elle. On va l'entendre avec Dans le Nord, tiré de son album Être social. Mais juste avant, balade à Toronto, c'est modernisé un peu, c'est devenu balade. Il y a des clips sur Facebook qu'on voit souvent. J'en ai partagé un sur ma page avec, entre autres, celui-ci, c'est Maggie Savoie. Et on va l'écouter justement avec 27 sous zéro. Voici Maggie Savoie. Sous zéro, la vie prend un break. Le fret qui me transperce le corps, pas encore réussi à me glacer le cœur. Peinture sous zéro, la fumée qui sort de la cheminée, avec son air de toffe nous laisse savoir que le fret y fait pas peur. Beau.

promesse faite, promesse tenue. C'est ce que je peux dire de la part de Monique Poirier et ses acolytes Isabelle Bugeaud et Nadine Hébert, qui forment les trois L. Et pour ceux qui suivent la musique franco-canadienne et surtout acadienne depuis plusieurs années, vous allez dire, mais c'est pas les Muses, ça? Eh bien oui, c'est trois filles des Muses, la quatrième étant Isabelle Thériault. Donc, les trois filles des Muses deviennent trois L. Ils ont sorti un album la semaine passée, Filles du vent. Ils ont sorti ça du côté de Moncton. Il y a un petit clip là, que j'ai partagé sur ma page Facebook et d'une chanson écrite par Monique Poirier, « Je suis fine », chanson drôle, assez intéressante, merci. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai envoyé un mémo à Isabelle Bugeaud. Je lui ai dit « Hey, quand l'album est prêt, vous m'envoyez ça, je vais faire tourner ça avec grand plaisir ». Eh bien, la promesse a été tenue et j'ai cet album-là. Un album intéressant quand même, un album bilingue. Ils reprennent, oui, des chansons francophones, mais aussi quelques chansons anglophones. Entre autres, il y en a une de Simon & Garfunkel. Il y en a une, Leonard Cohen, Alléluia, est là également. Donc, il y a d'autres chansons anglophones comme ça, mais il y a de très bonnes chansons francophones également qui est reprise sur cet album-là. Je vais vous en offrir deux. Je vais vous offrir une pièce qui s'appelle, bon, je pense que c'est comme la pièce titre, « J'étions fille du vent et d'Acadie ». Très, très belle chanson, très, très belle mélodie. Et ça met en valeur les trois voix des trois chères dames. Mais juste avant, on va écouter justement la pièce de Monique Poirier, « Je suis fine », pièce humoristique, et puis écoutez les paroles, c'est vraiment génial, mais c'est vraiment bien fait. Donc, un super bel album que je vais écouter, que je vais commenter au cours de l'été, ça c'est certain. Et je vous invite peut-être à aller faire un tour sur Distribution Plage, www.plage avec un s.net pour vous procurer cet album. Voici 3L, « Je suis fine ». J'ai toujours un beau sourire, je suis douce et délicate. J'essaie de bien choisir mes mots, je suis discrète et diplomate. Je suis fine, je suis gentille et je suis polie. Mais ce qu'on ne vous a peut-être jamais dit, c'est qu'une fois de temps en temps, quand je rencontre des vieux amis de mes années au secondaire, des avocats, des thérapeutes, des médecins, puis des fonctionnaires, ils sont gentils, ils sont ben fins. Oh, toi, tu joues de la musique, hein? Oh, des petites chansons, puis des spectacles. Oh, ça doit être le fun. Mais c'est quoi ta vraie job, Monique? Ou quand je vais faire mon épicerie, puis je suis en ligne, 2 euros proche, la femme devant moi a plein de coupons, elle les trouve pas dans sa sacoche. Je perds les nerfs, j'ai chaud, j'ai traite, je sens monter l'adrénaline, y a plein de mots méchants dans ma tête, mais je les dis pas parce que je suis fine. Dans une cabine d'essayage, y a une robe qui me fait pas pantoute, elle est trop petite et trop serrée et beaucoup, beaucoup trop courte. Je sens pour me garder dans le miroir la vendeuse qui arrive en courant, le sourire fendu aux lèvres, elle me dit « Oh, ça te va comme un gant ». Quand je vais prendre un petit café dans un resto avec mes amis, et la serveuse qui finit tout m'appelle cocotte ou ben honey. Ma cocotte pis mon honey sont dans mes armoires de cuisine. J'prends un grand souffle, j'dis rien pantoute, sauf merci parce que j'suis fine. Y'a une ouverture officielle et on me demande d'aller chanter. Y'a pas de budget pour les artistes, mais c'est de la bonne publicité. Y'a pas de plombier ou de dentiste qui accepterait des offres comme ça. J'veux juste le raccrocher au nez. Mais j'dis, ben oui, à quelle heure faut que j'sois là? Quand arrive le temps des vacances, j'aime les passer incognito, me balader sur de belles plages en gogoune pis habillée en maillot. Je croise des gens qui me reconnaissent. Ils sont gentils, veulent une photo. Je fais un sourire, puis je dis bye bye. Puis là, j'entends. Oh, j'ai hâte d'aller mettre ça sur mon Facebook. J'ai toujours un beau sourire. Je suis douce et délicate. J'essaye de bien choisir mes mots. Je suis discrète et diplomate. Je suis fine. Je suis gentille, je suis polie. Mais ce qu'on ne vous a peut-être jamais dit, c'est qu'une fois de temps en temps, je suis pas si fine que ça, vraiment. J'étions fées du vent et d'Acadie, j'avions vécu par devant la mer. J'étions fille du vent et d'Acadie, j'avions coupé les blés de la terre. Le temps viendra, je l'entends déjà, il bat tambour dans nos souvenirs. Le temps viendra, je l'entends déjà, le jour s'éveille sur notre âme. J'étions fille du vent et d'Acadie, je rêvions point de jardin en Italie. J'étions fille du vent et d'Acadie, je vivions bien auprès de la baie Sainte-Marie. Le temps viendra, je l'entends déjà, il bat tambour dans nos souvenirs. Le temps viendra, je l'entends déjà, le jour s'éveille sur notre avenir. J'étions fille du vent et d'Acadie, le vent a soufflé, j'avons parti. J'étions fille déjà, il bat tambour dans nos souvenirs. Le temps viendra, je l'entends déjà, le jour s'éveille sur notre avenir. J'étions fille du vent et d'Acadie, je porte nos joies, nos peines et nos cris. J'étions fille nos peines et nos cris. Je suis fille du vent et d'Acadie, ma voix n'est que le souffle du pays. Le temps viendra, je l'entends déjà, il bat tambour dans nos souvenirs. Le temps viendra, je l'entends déjà, le jour s'éveille sur notre avenir. Le temps viendra, je l'entends déjà, il bat tambour dans nos souvenirs. Le temps viendra, je l'entends déjà, le jour s'éveille sur notre avenir. étions Filles du Vent et d'Acadie, 3L, vraiment un album à se procurer. Allez faire un tour sur Distribution Plage, www.plage avec un s.net, et vraiment intéressant. On va terminer le bloc des Maritimes avec deux gars très occupés. Il y a premièrement Pierre Guitard qui sera partout au Québec cet été, donc si vous vous promenez au Québec, surveillez ça. Pierre Guitard, on va l'entendre avec L'Amour est gone. Par la suite, Boule miroir de M. Joseph Edgar, qui lui a très très bien fait au Franco de Montréal ces derniers temps. Deviens donc quelqu'un dont tu rêves depuis longtemps. Fais-toi donc conteuse. Viens me compter des meurtres qui me font jouer. Même si l'amour est gone, même si l'amour est gone depuis longtemps. Même si l'amour est gone depuis longtemps. Deviens donc quelque chose. Depuis longtemps. Fais-toi donc danseuse. Viens me faire danser des danses qui me font jouer. Même si l'amour est gone, même si l'amour est gone depuis longtemps. Même si l'amour est gone depuis longtemps. L'amour est gone, t'es pas obligé de partir avec. Même si l'amour est gone, t'es pas obligé de partir avec. Sans sourire rivaliser les reflets de la boule miroir pour une